Have a nice day. Le top de la pop, du rock, de la soul, du reggae et du funk. Have a nice day. Sur ton transat. Sur ton transat. Radio Transat. Toute la journée, le meilleur cocktail musique des Caraïbes sur Transat. Transat. Radio Transat. Radio Transat. Have a nice day. Le top de la pop, du rock, de la soul, du reggae et du funk. Yeah, yeah. Le meilleur cocktail musique des Caraïbes. Jusqu'à 14h avec nous. Have a nice day. Sur ton transat. Expecting the worst, are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, who will never? Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Stay young. It's so hard to get out without a cause. I don't want to perish like a fleeting horse. Youth like diamonds in the sun, and diamonds are forever. So many adventures couldn't happen today. So many songs we forgot to play. So many dreams swinging. Transat. Radio Transat. Radio Transat. Radio Transat. Le meilleur cocktail musique des Caraïbes. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA. All I wanna do is have a little fun before I die. There's a man next to me out of nowhere. Radio Transat. Le meilleur cocktail musique des Caraïbes. À Saint-Martin, Saint-Barth, en Guadeloupe, en Martinique et dans toutes les îles. Radio Transat. Toutes les grandes chaînes de cinéma sont offertes ? Oui. Toutes les chaînes de sport sont offertes aussi ? Oui. Et toutes les chaînes internationales sont également offertes ? Oui. Jusqu'au 31 juillet, chez TV Caraïbes. Pour tout abonnement à 15 euros par mois, 100% des options chaînes sont offertes durant un mois. Alors, si j'ai bien compris, pour 15 euros seulement, j'aurai plus de 100 chaînes et radios ? Oui. Attention, cette offre spéciale est limitée dans le temps. Abonnement sur www.tvcaraïbes.tv. ou chez les revendeurs TV Caraïbes agréés. Offre soumise à condition. Toute la journée, le meilleur cocktail musique des Caraïbes sur Transat. Transat. Radio Transat. Toute la journée, le meilleur cocktail musique des Caraïbes sur Transat. Transat. Radio Transat. Radio Transat. Toute la journée, le meilleur cocktail musique des Caraïbes sur Transat. Transat. Radio Transat. Radio Transat. Have a nice day. Le top de la pop. Du rock. De la soul. Du reggae. Et du funk. Have a nice day. Sur ton Transat. Sur ton Transat. Call him my father, father, oh my. Le meilleur cocktail musique des Caraïbes. Le meilleur cocktail musique des Caraïbes revient dans quelques minutes. Radio Transat. Radio Transat. Top départ pour les bons plans 100% Sacerque. Jusqu'au 26 juillet, toute une sélection dont les nombreux univers Sacerque vous attendent à des tarifs incroyables. Comme le pack sans fil, 4 machines skill avec une perceuse visseuse, plus une scie sauteuse, plus une scie circulaire et une ponceuse à seulement 299€. Ou la meuleuse Ikoki G13 STA 600 watts à 79€ seulement. Rendez-vous dans vos magasins Sacerque à Jabrin et Petit Pérou pour profiter de tous les bons plans. Sacerque, certifié pro. Cette année, le Jardin botanique de Vallombreuse fête ses 35 ans et vous réserve une grande surprise. Une borne vous attend au cœur d'un paradis tropical. Un simple clic et vous pourriez gagner gros, très gros. 10 000€ de lots sont à gagner sans obligation d'achat. Il suffit de jouer sur place. Le Jardin botanique de Vallombreuse, ouvert tous les jours de 9h à 18h. Plus d'infos sur vallombreuse.com. Toute la journée, le meilleur cocktail musique des Caraïbes sur Transat. Transat. Radio Transat. Radio Transat. Toute la journée, le meilleur cocktail musique des Caraïbes sur Transat. Transat. Transat. Radio Transat. Jusqu'à 14h, Have a Nice Day. Have a Nice Day. Le meilleur du son pop rock. New Generation. À Saint-Martin. Saint-Barth. En Guadeloupe. Martinique. Et dans toutes les îles. Have a Nice Day avec Radio Transat. Envie d'autre chose? Envie de good vibes? De bonne zik? C'est sur Transat et nulle part ailleurs. Le meilleur cocktail musique des Caraïbes. Radio Transat. Il est midi. Jusqu'à 14h, Have a Nice Day. Have a Nice Day. Le meilleur du son pop rock. New Generation. À Saint-Martin. Saint-Barth. En Guadeloupe. Martinique. Et dans toutes les îles. Have a Nice Day avec Radio Transat. I'll try. Radio Transat. Radio Transat.